Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Voici les grands titres de cette édition. La quête du travail dans les pays arabes par les femmes ne devrait pas être une cause de séparation des couples et le gouvernement est appelé à prendre la question à main. En appel de l'ONLCT, où est ton frère? Les jeunes devraient capitaliser les initiatives mises en place par le gouvernement. C'est un clin d'œil du Conseil national de la jeunesse après la nomination du président burundais comme champion du programme des jeunes paix et sécurité en Afrique. En province Bururi, c'est au sud du Burundi, on vous parlera de la diminution du prix de la pomme de terre, une satisfaction chez les consommateurs. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page média pour débuter cette édition. La désinformation et la propagande véhiculée par des médias classiques et réseaux sociaux entraînent des violences dans une communauté à long terme. Le journaliste doit être conscient du message qu'il véhicule dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est un conseil de Nestor Nkurunziza, chef de mission de la bénévolence lors d'un atelier organisé par cette organisation sur la lutte contre la désinformation et propagande. Il recommande la vigilance dans le traitement des informations sensibles au conflit. Suivez. Même si on ne le voit pas à la télé chez nous, mais il y a les réseaux sociaux qui véhiculent ces mêmes messages. Et lorsque ça nous arrive, ça réveille un peu les vieux souvenirs. Et ils ont fait le constat, en fait, que les messages violents ne touchent pas que la RDC et le Rwanda, et que c'est parmi nous déjà, parce que ça clive aussi notre société. On avait des jeunes blogueurs, on avait aussi des jeunes qui consultent les réseaux sociaux et qui parfois réagissent. Mais on avait également donc les directeurs des médias, et donc le constat qu'ils ont fait, c'est qu'on ne fait pas assez. Parce qu'il y a plein de messages haineux qui passent, et on n'est pas, soit on n'est pas outillé pour y faire face, soit on est passif. Et quand on est passif, qui gagne, c'est finalement ceux qui diffusent des messages violents, qui veulent que les sociétés soient clivées, soient en train de se regarder toujours en chien de faïence. Ce qui nous ramènerait en quelque sorte au point de départ. C'est le moment et c'est l'espace où on trouve les sujets. On fait le choix des sujets. Et la première chose, c'est de considérer que ces messages qui sont en train de passer ne sont pas des messages anodins. Il faut les considérer et s'y attaquer. Nestor Nkurunziza, chef de mission de la bénévolence. Toujours page média, la liste des 10 chansons finalistes de la compétition Isanganiro Award est connue depuis ce mardi. Le président de la commission ad hoc indique qu'elles ont été choisies parmi les 20 analysées par des professionnels de la musique burundaise. Entre autres critères figurent le contenu du message et la qualité de la production de la chanson, comme déclaré par Eric Ndouaïo. Il informe l'opinion que l'étape suivante est le vote à travers les canaux qui seront communiqués très prochainement. Suivez. Nous venons de proclamer 10 chansons qui sont sélectionnées comme les chansons finalistes de la compétition Isanganiro Award 11e édition. C'est une proclamation qui vient à point nommé parce qu'on venait de passer 3 semaines avec, bien sûr, des chansons qui étaient à l'époque 20. On avait déjà donné ces chansons aux jurés, les professionnels de la musique burundaise, qui ont pu donner des notes en se basant sur les critères qui sont entre autres la qualité de la chanson, la qualité vocale, la qualité du message de cette chanson, aussi l'originalité de l'artiste. Donc ces professionnels dont je viens de parler, ils ont une expérience importante dans la musique et ce sont ces professionnels qui nous ont donné des points. Aujourd'hui, nous venons de proclamer 10 chansons qui viennent d'être présentées à la population et aux mélomanes de la musique burundaise, avec aussi un objectif d'ouvrir un espace de vote au public pour que ces mélomanes puissent à leur tour voter leur chanson préférée qui pourra peut-être être la première ou la gagnante de la compétition Isanganiro Award. L'étape qui va suivre, c'est d'abord de voter à partir des SMS, à partir des plateformes du Isanganiro Award en likant les vidéos qui seront postées sur nos plateformes. L'autre chose, c'est de préparer, donner du temps aux artistes, d'inviter leurs mélomanes en leur demandant des votes. Les fans de la musique burundaise en général et ceux de la compétition Isanganiro Award leur demandent de continuer à soutenir la compétition Isanganiro Award et nous pensons qu'avec bien sûr les mélomanes, on pourra un jour se réjouir d'un pas qui sera bien sûr franchi. Isanganiro. venir. Poursuivons cette édition, le 36e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie les 18 et 19 février a nommé le président burundais champion du programme de la jeunesse, paix et sécurité en Afrique. De retour de ce sommet ce lundi, le président Evariste Ndayishimiye a exhorté la jeunesse burundaise à servir d'exemple en ce qui concerne les projets des jeunes, la paix et la sécurité en Afrique. Suivez-le, traduit en français par Jean de Dieu Irakoudz. La jeunesse africaine a tenu un dialogue à Bujumbura dans lequel ils ont pris de meilleurs engagements. Après avoir analysé le rapport produit pour cette fin à Bujumbura, l'Assemblée l'a adopté à l'unanimité. Cette Assemblée a jugé que ce programme de la jeunesse doit se développer. Ainsi, devait-elle choisir le leader de ce programme? Dans ce programme de la jeunesse, paix et sécurité en Afrique, le président du Burundi a été nommé champion. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Cela traduit que tout Burundais, où qu'il soit, est champion en ce qui concerne ce programme de la jeunesse. On aimait voir des clivages en disant que l'honneur de la jeunesse du parti au pouvoir, du parti CNL et du parti PRONA. Que ces clivages cessent pour que la jeunesse burundaise soit un modèle dans la consolidation de la paix et dans l'exécution de travaux de développement, parce que la jeunesse est le plus souvent désorientée par le fait qu'elle ne voit pas de lendemain. Nous devons alors faire tout ce qui est possible pour que leur futur soit garanti. En réaction, le Conseil national de la jeunesse du Burundi félicite le président burundais pour cette nomination. Ingabire Thierry, président de ce conseil, appelle la jeunesse à capitaliser les initiatives mises en place par le gouvernement en vue de soutenir les jeunes. Suivez Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Nous sommes très satisfaits. Le Burundi est honoré par cette nomination de son Excellence le Président de la République du Burundi par l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine comme le champion de la jeunesse africaine pour le programme de la jeunesse, la paix et la sécurité. La capitale Bujumbura a aussi été désignée comme la capitale africaine de la jeunesse en matière de la paix et de la sécurité, où il a été aussi désigné que chaque année il y aura un dialogue africain des jeunes pour parler des questions de la paix et de la sécurité. Nous sommes très satisfaits et nous sommes venus pour féliciter le président de la République pour cet honneur qu'il a porté au Burundi. À la jeunesse burundaise, nous continuons à appeler à la jeunesse de travailler. Nous savons qu'actuellement, comme le dit chaque jour le président de la République, nous avons un combat contre le chômage. La jeunesse burundaise doit travailler pour profiter des initiatives mises en place par le gouvernement de la République, notamment la Banque des jeunes et le programme PAEJ, afin de lutter contre le chômage des jeunes. Comme le président vient d'être nommé, la jeunesse aussi burundaise sera vue comme un exemple sur le continent africain. En page gouvernance, l'augmentation de la capacité des réserves de change est l'un des trois axes qui devraient être priorisés pour résoudre le problème de manque de produits pétroliers. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, qui le dit, demande au gouvernement de construire des infrastructures de stockage du carburant. Suivez. Si on analyse actuellement la situation de l'approvisionnement du pays en carburant, on voit toujours qu'il y a toujours une instabilité. Et alors, pour que ce problème trouve solution définitivement, il faut agir sur les trois axes. D'abord, il faut augmenter la capacité des réserves de change de notre pays à la Banque centrale. Il ne faut plus avoir des réserves de change en dessous d'un mois. Il faut des réserves de change suffisantes, 3 ou 4 mois. Donc, une cadre de vie suffisante permettant une marge de manœuvre suffisante pour acheter à l'extérieur, pour importer une gamme de produits variés dans le pays à besoin. Outre même cette carte de réserve de charge, il faut que le numéro de devise qui est disponible soit géré de manière transparente. L'impunité aussi consacre les mauvaises pratiques et les mauvais comportements des hauts cadres de l'État qui étaient censés gérer la chose publique en bon père de famille. Deuxièmement, c'est le circuit d'approvisionnement. Très récemment, on parlait d'une entreprise qui avait le monopole d'importer le carburant, presque le monopole. Pour sécuriser l'approvisionnement Dans un pays, dans un produit aussi stratégique, il faut au moins un oligopole au minimum. Deux ou trois opérateurs doivent agir dans le secteur. Et il faut une analyse, une évaluation de la capacité organisationnelle, de la capacité logistique, de l'expérience, de l'expertise de la dite entité, de la dite société qui est choisie par rapport à la capacité de s'acquitter de cette mission aussi noble d'approvisionner nos pays en produits aussi stratégiques. Donc il faut la transparence dans le circuit d'approvisionnement. Troisièmement, la capacité de stockage, les infrastructures de stockage. Dans les documents de développement qui ont été élaborés, on a toujours insisté sur l'investissement dans la capacité de stockage en produits stratégiques. Nous demandons instamment alors que dès cette année avec la finance, il faut que la construction d'infrastructures de stockage de carburant soit une priorité, la priorité des priorités. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, qui s'exprime après avoir constaté que le carburant de type essence se raréfie. Poursuivons cette édition. L'association ONLCT, Où est ton frère, luttant contre la traite des personnes, se dit choquée par les conflits familiaux entre les maris de la province de Boubanza et leurs épouses qui veulent aller travailler dans les pays arabes. Maître Prime Mbarubuke, président de la dite association, demande au gouvernement du Burundi de prendre la question en main afin qu'il y ait consentement entre ceux qui veulent aller prester dans ces pays arabes et leurs conjoints, arguant que cette question a déjà suscité pas mal de divorces. Je vous l'annonçais en titre, le prix des pommes de terre a sensiblement diminué ce mois de récolte en province Bururi, c'est au sud du Burundi. Un kilo sachet était en prix variant entre 600 et 800 francs burundais dans presque toutes les communes, alors qu'au même mois de l'année écoulée, ce kilogramme s'achetait à un prix variant entre 1000 et 1200 francs presque dans toute la province. Et Juvan Hendai, qui est chef de cabinet du gouverneur de cette province, fait savoir que la production, il y a eu accroissement de la production agricole et appelle la population de Bururi à faire de même pour cette saison culturelle. B, une correspondance signée Zenon Nzambiman. La production des pommes de terre a été bonne pour la saison culturelle A, selon certains des agriculteurs de la province de Bururi avec qui nous sommes entretenus, ce qui a déjà occasionné la baisse des prix de cette denrée. À part dans les boutiques du marché de Bururi et de ses environs, où le kilogramme de pommes de terre s'achète à 1000 francs burundais, dans d'autres communes, un kilogramme de ce produit s'achète à un prix variant entre 600 et 800 francs burundais, alors que deux mois écoulés, il s'achetait à 1500 francs burundais. De plus, pendant la même période, période de récolte de l'année écoulée, le même kilogramme s'achetait à un prix variant entre 1000 et 1200 francs burundais, selon certains des acheteurs qui saluent la baisse des prix de cette denrée alimentaire. Juvanda Ikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, se dit également satisfait de cette production des pommes de terre. Il fait savoir que l'augmentation de cette production des pommes de terre par certains agriculteurs de la province de Bururi qui ont répondu à l'appel qui leur est toujours lancé est à l'origine de cette baisse des prix de ce produit. Juvanda Ikeza appelle la population de Bururi, y compris les fonctionnaires de l'État, à faire de même pour cette saison culturelle B, à exploiter toutes les terres cultivables en plaçant les agrostis et les eucalyptus qui sont observés toujours dans certaines localités de la province de Bururi par les champs de culture pour augmenter la production et ainsi combattre la famine. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. De Bururi, rendons-nous en province Ngozi, où d'importants effectifs d'écoles qui ont des cantines scolaires ont poussé la direction communale de l'éducation à Busiga à la réduction du taux d'abandon scolaire. À propos de Parfait Nkunzimana, directeur de communal de l'enseignement à Busiga, qui indique qu'environ 500 élèves ont déserté l'école au premier trimestre. Et c'est au moment où certaines directions communales, comme Kiremba, avoisinent 1500 abandons. La pauvreté dans les ménages étant l'une des causes de ce fort taux d'abandon, d'après certains parents et directeurs d'école, demandent la multiplication de ces cantines scolaires afin de réduire ce taux de déperdition. Le point avec Apollinaire Muzagar. La commune de Busiga dispose de 583 abandons scolaires au premier trimestre sur 18 110 élèves, soit un taux de déperdition d'environ 3%. Dans certaines communes éducatives comme Kiremba, ce taux est d'à peu près 8%, motif principal selon certains parents et directeurs d'établissements scolaires, la pauvreté qui se vit dans les ménages. À la question de savoir pourquoi la direction communale de l'éducation de Busiiga affiche un taux d'abandon scolaire moins élevé comparativement aux autres DCE, Parfait Mouzimana, directeur communal de l'éducation à Busiiga, parle de plus de cantines scolaires qui retiennent ses enfants, car bon nombre d'élèves sont nourris à midi. Sur 25 écoles à la disposition du DCE Busiiga, 13 sont nantis en cantine scolaire. Comme solution, ses parents et directeurs d'école proposent l'implantation de ces cantines dans plusieurs établissements scolaires afin de réduire ses effectifs de bande. La province scolaire de Ngozi a enregistré 7101 cas d'abandon au premier trimestre de cette année scolaire et parmi eux, 3429 filles. De Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. À 18h16 dans le studio de la radio Isanganiro. Poursuivant cette édition, le gouvernement burundais est appelé à élaborer un calendrier de distribution des terres aux abattoirs pour que ce travail puisse bien se dérouler comme promis par le président burundais. Ceci a été dit ce mardi par le président de l'association Unisono pour la promotion des abattoirs, Uniproba, lors d'une conférence de presse. Bambanze Vital, président de cette organisation, demande que le programme des cantines scolaires soit organisé dans le but de promouvoir l'éducation des abattoirs. Suivez. L'éducation, un élément important pour l'accès, l'exercice et la jouissance des droits socio-économiques, culturels, civils et politiques n'a été respecté pour les abattoirs du Burundi. Nul mieux combien la communauté abattoir souffre énormément des méfaits de la non-accès à l'éducation, d'analphabétisme qui est élevé et qui amène les abattoirs à ignorer leurs droits et ne pas les défendre. Faciliter l'accès aux abattoirs aux écoles à régime d'internat est venu pour alléger le fardeau des familles abattoirs qui n'étaient pas à mesure de payer les frais scolaires et cela provoquait beaucoup d'abandon chez les enfants abattoirs. Au discours d'ici février 2023, lors de la célébration de la journée de l'unité nationale par son excellence le président de la République de Burundi sur le besoin de distribuer des terres aux abattoirs constitue l'enlèvement des barrières de jouissance des droits et libertés fondamentales des abattoirs en matière économique, sociale, culturelle et politique. C'est l'affirmation de l'adhésion du Burundi au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels adopté le 16 décembre 1966 qui est entré en vigueur le 3 janvier 1976 et ratifié par la République du Burundi le 14 mars 1990. Pour rendre les décisions prises par le gouvernement laborieux dans les différents domaines en faveur de la communauté abattoir, des mesures d'accompagnement devraient s'en suivre, notamment au niveau de l'éducation. Une large sensibilisation des enfants et parents abattoirs devrait être effectuée par les organisations abattoirs et les autorités administratives à tous les niveaux. Et sur près de 4000 conseils collinaires en province Gitega, l'effectif des femmes est 2342 et sur les 11 communes, 4 administrateurs sont des femmes et certaines collines sont également dirigées par des femmes. Sur 263 collines, la province Gitega compte également 9 députés dont 4 femmes. Un reportage sur la représentativité des femmes au sein de l'administration en province à Gitega qui nous a été relaté par Jean-Marie Vianney Ngendakumana. À 18h19 dans les studios de la radio Isanganiro, point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Nos programmes continuent.